La poésie philosophique et religieuse chez les Persans d'après le Mantique Utaïr, ou le langage des oiseaux de Farid ud-Din Attar. Le récit qui fait l'objet du poème. Actuellement qu'il a fait connaître au lecteur les principaux acteurs qu'il veut mettre en scène, Attar entame le récit qui fait l'objet de son poème. Je préfère le laisser parler un instant lui-même. Les oiseaux du monde se réunirent tous, dit-il, tant ceux qui nous sont connus que ceux qui nous sont inconnus, et ils tinrent entre eux ce langage. Il n'y a pas dans le monde de pays sans roi, mais comment se fait-il cependant que la nation des oiseaux en soit privée? Il ne faut pas que cet état de choses dure plus longtemps. Nous devons joindre nos efforts et aller à la recherche d'un roi. Les oiseaux se réunirent donc pour s'occuper de cette affaire importante. La huppe tout émue s'avança la première au milieu de l'assemblée. Elle avait sur la poitrine l'ornement qui témoignait qu'elle était entrée dans la voie spirituelle, et sur la tête la couronne de la vérité. « Chers oiseaux, dit-elle, je suis réellement enrôlé dans la milice céleste, et messager du monde invisible. Je connais Dieu et les secrets de la création. Quand on porte, comme moi, écrit sur son bec le nom de Dieu, on doit nécessairement avoir l'intelligence de beaucoup de secrets. La huppe continue à vanter ses qualités non seulement spirituelles mais physiques. Elle dit entre autres choses qu'elle devine instinctivement les sources d'eau. Puis elle rappelle ses relations avec Salomon, ses entretiens avec ce grand prince, le rôle d'avant-coureur de son armée qu'elle a rempli et de messager chargé de ses lettres. Elle se flatte d'avoir parcouru, au temps du déluge, la surface du globe et d'avoir accompagné Salomon dans ses voyages par mont et par veau, par terre et par mer. Mukadesi s'exprime à peu près comme Attar sur le conte de la huppe. Ce langage uniforme est fondé sur une légende rabbinico-musulmane dont j'ai déjà parlé. Je connais bien mon roi, continue la huppe, mais je ne puis aller le trouver toute seule. Si vous voulez m'accompagner, je vous donnerai accès à sa cour. Mais vous devez laisser toute présomption, toute crainte et toute incrédulité. Celui qui joue sa vie pour entrer dans cette voie est délivré du bien et du mal. Soyez donc généreux de votre vie et placez le pied dans ce chemin, pour poser ensuite le front sur le seuil de la porte du palais de ce roi légitime qui réside derrière le mont Kaf. Son nom est Simorgh. Il est le roi des oiseaux. Il est près de nous et nous en sommes éloignés, et il ne saurait être célébré par une langue humaine. Il a devant lui des milliers de voiles de lumière et d'obscurité. Dans les deux mondes il n'y a personne qui puisse lui disputer son empire. Il est le roi par excellence, il est parfait dans sa majesté. Il ne se manifeste pas complètement, même au lieu de son séjour, et cependant ni la science ni l'intelligence ne peuvent y atteindre. Là des milliers de têtes sont comme des boules du mail, on n'y entend que des exclamations et des soupirs. On trouve tour à tour dans ce chemin l'eau et la terre ferme, et on ne saurait se faire une idée de son étendue. Il faut un homme à cœur de lion pour parcourir cette voie extraordinaire, car la route est longue et la mer profonde. C'est ainsi que la huppe parle du Simorgh, de cet oiseau fantastique, emblème de Dieu. Or, le Simorgh des Persans est le même animal mystérieux que le Anka, Simorgh, des Arabes et le griffon du Moyen Âge. C'est un oiseau dont tout le monde parle, disent les Arabes, et que personne ne vit jamais, il est connu de nom et inconnu de corps. De là son nom est synonyme d'inouï, introuvable. Mukadesi ne lui assigne pas le même séjour qu'à Tar. Selon lui, il habite une des îles de la mer. Or, par les îles de la mer, il faut entendre les îles, les presqu'îles, et même les ports d'Europe. Dans la Bible, l'expression « les îles des nations » ou « de la mer » a la même signification. Le Anka est aussi représenté comme le roi des animaux dans le Tufaïkwanusafa, et son nom se donne quelquefois par métaphore à l'objet d'un amour humain. Il en est aussi fait mention dans le livre des rois de Firdausi comme du gardien de Zaal, père de Rustam, et les naturalistes orientaux disent qu'il a le volume de 30 oiseaux, qu'il est unique, doué d'intelligence et de la parole, et qu'il a existé avant Adam. Un dessin original, fait dans l'Inde, représente cet oiseau merveilleux les ailes étendues comme s'il fondait sur une proie. Il a une sorte de huppe de crête sur la tête, des plumes qui pendent sous son bec, et trois longues queues. Attar, continuant son récit, nous apprend que les oiseaux, excités par la huppe, acceptent Simorgh pour souverain, et se décident à partir pour le lointain pays où ils résident. Toutefois leurs mauvais penchants les retiennent encore, et, au moment de se mettre en route, chacun devient légué des prétextes pour rester. Ces prétextes prennent leur source dans une passion dominante, dans un vice particulier. C'est ainsi que chaque oiseau représente un des défauts ou des péchés capitaux que les théologiens mettent au nombre de 7. En faisant attention à l'analyse que je vais donner des discours des différents oiseaux et des réponses de la huppe, on s'assurera qu'en effet le humaï, paradisier, représente l'orgueil, la perdrix, l'avarice, le rossignol, la luxure, le paon, l'envie, la perruche, la gourmandise, le faucon, la colère, le canard, la paresse. N'oublions pas que ces oiseaux ne sont autre chose que les hommes, avec leur indifférence pour les choses spirituelles et leur entraînement pour tout ce qui est visible et temporel. Le premier oiseau qu'Attar fait parler, c'est le rossignol. Il s'avance, dit le poète, exprimant un sens par chacune de ses 1000 modulations, et ses sens renferment un monde de secrets. Or, voici le discours que lui fait tenir le poète. Les secrets de l'amour, dit-il, me sont connus. Toute la nuit j'en répète les chants. C'est à l'imitation de mes accents que la flûte gémit, et que le luth semble faire entendre des plaintes. Je mets en émoi les parterres de roses aussi bien que le cœur des amants. J'enseigne sans cesse de nouveaux mystères. À chaque instant je répète de nouveaux chants de tristesse. Quiconque m'écoute perd la raison, il est hors de lui, quelque empire qu'il garde ordinairement sur lui-même. Si je suis privé pendant longtemps de la vue de ma bien-aimée rose, je me désole et je cesse mes chants. Lorsqu'elle répand dans le monde, à l'époque du printemps, son odeur suave, je lui ouvre gaiement mon cœur, et par son heureux horoscope je fais trêve à d'amères plaintes. Mais le rossignol se tait lorsque sa bien-aimée ne se montre pas. Mes secrets ne sont pas connus de tout le monde, la rose seule les sait. Entièrement plongée dans son amour, cet unique sentiment m'anime, et je ne songe pas à ma propre existence. Je ne désire pour moi que la rose vermeille. Atteindre à Simorgh est au-dessus de mes forces. L'amour de la rose suffit au rossignol. Elle fleurit pour moi avec ses 100 feuilles, comment ne serais-je pas heureux? La rose s'épanouit pleine de désir pour moi, et elle me sourit joyeusement. Le rossignol pourrait-il rester une seule nuit privé de l'amour d'un objet si séduisant? C'est ainsi que s'exprime le rossignol. Dans sa réponse, La huppe lui reproche son attachement à la beauté passagère de la rose. Elle lui en signale les défauts et l'engage à préférer l'éternelle beauté. Ô toi, lui dit-elle, qui est resté en arrière, occupé de la forme extérieure des choses, cesse de le complaire dans un attachement qui te séduit. L'amour de la rose a enfoncé dans ton cœur bien des épines, il a agi sur toi, et il t'a dominé. La rose est belle, il est vrai, mais sa beauté disparaît en quelques jours. Or, l'amour d'un objet qui dure si peu doit déplaire aux gens parfaits. Si la gracieuse apparence de la rose excite les désirs, c'est pour t'attirer nuit et jour dans les plaintes et les gémissements. Laisse donc la rose, car, rougie de honte, elle se rit de toi à chaque nouveau printemps, mais elle ne te sourit pas. À peine la huppe a-t-elle fait cette réponse au rossignol, que la perruche arrive à son tour, un morceau de sucre au bec, dit attard, vêtu de vert comme la pistache, et orné d'un collier d'or. Au prix de son éclat, l'épervier n'est qu'un moucheron, la verdure des champs n'est qu'un reflet de ses plumes. Voici quel est son langage. Des gens vils et des cœurs d'acier, dit-elle, m'ont enfermée, toute charmante que je suis, dans une cage de fer. Retenue dans cette prison, je désire avec ardeur la source de l'eau de l'immortalité gardée par Khizre. Comme lui je suis vêtu de vert, car je suis le Khizre des oiseaux. Je voudrais m'abreuver à la source de cette eau mystérieuse, mais je n'ai pas l'ambition de m'élever jusqu'à l'aile de Simorgue. La source de Khizre me suffit. La huppe, continuant son rôle de prédicateur, répond à la perruche qu'elle n'a pas d'idée du vrai bonheur, que pour l'acquérir il faut savoir renoncer même à la vie, qu'elle doit ambitionner quelque chose de plus que l'eau de l'immortalité, qu'elle ne doit pas se contenter de l'écorce, mais chercher l'amande, qu'elle doit vouloir la moelle, et non ce qui l'entoure et la cache. À ce sujet, attard cite l'exemple d'un soufi qui refusa l'eau de l'immortalité que lui offrait Khizre, pour n'être pas privé de l'avantage de mourir et d'être ainsi uni à Dieu. Le paon se présente à son tour, dit attard, vêtu d'or, paré de plumes de mille couleurs, et pareil à une nouvelle mariée dans tous ses atours. Voici le discours qu'il tient. Pour me former, dit-il, le peintre du monde invisible, c'est-à-dire Dieu, remit son pinceau au génie. Quoique je sois le Gabriel des oiseaux, mon sort a cependant été bien inférieur à celui de cet ange, car, pour avoir contracté amitié avec le serpent dans le paradis terrestre, j'en fus ignominieusement chassé. Forcé de quitter le rang élevé que j'occupais, je fus obligé d'aller vivre dans la solitude, humilié par la laideur de mes pieds. Mais j'ai toujours espoir d'être retiré de cet obscur séjour et conduit à la demeure de l'éternité. Qui suis-je pour parvenir auprès du roi dont tu parles? Il vaut mieux que je m'en tienne éloigné. Le Simorgue peut-il être d'ailleurs l'objet de mon ambition? Puisque le paradis élevé est le séjour qui m'est destiné, je n'ai rien à faire dans ce monde, je ne dois me reposer que dans le paradis. La réponse de la huppe mérite aussi d'être rapportée textuellement, à cause de la manière allégorique dont attard s'exprime sur l'unité des êtres. Ce sont, à la vérité, les mêmes idées qui reviennent sans cesse sous sa plume, mais nous devons tolérer ces répétitions. Voici au surplus le discours de la huppe. Ô toi qui t'égares volontairement de la vraie voie, sache que le palais de ce roi vaut mieux que celui dont tu parles. C'est l'éternelle habitation de l'âme pleine de désir, le logis du cœur, Le siège de la vérité. L'être véritable est un vaste océan dont l'Éden n'est qu'une petite goutte. Lorsque tu peux avoir l'océan, pourquoi irais-tu chercher une goutte de la rosée nocturne? Confère, Sagesse, 11, 23. Celui qui participe au secret du soleil pourra-t-il s'arrêter à un atome de poussière? Celui qui est le tout doit-il avoir affaire avec la partie? L'âme a-t-elle besoin des membres du corps? Si tu es un homme parfait, considère le tout, recherche le tout, choisis le tout. Le canard sort timidement de l'eau, dit Altar, et vient aussi présenter ses objections. Son langage est à peu près celui qu'il tient dans Mukadesi. Il n'y a pas dans les deux mondes, dit-il, de créature plus pure que moi. Je me lave exactement à toutes les heures canoniques, puis j'étends sur l'eau le tapis de la prière. Qui est-ce qui se tient sur l'eau comme moi? Car c'est un pouvoir merveilleux que je possède. Je suis, parmi les oiseaux, un pénitent aux vues pures, aux vêtements purs, à l'habitation toujours pure. Tout me paraît inutile, si ce n'est l'eau, car ma nourriture et ma demeure sont dans l'eau. Ce n'est qu'avec l'eau que j'ai affaire, comment la quitterai-je? Tout ce qui vit, vit par l'eau, et ne peut s'en passer, ainsi je ne saurais voler à travers les vallées, ni m'élever jusqu'à Simorgue. Nous avons produit de l'eau tous les êtres vivants. Coran 21, 31 et 24, 44. Telle est la sentence du Coran à laquelle Attar fait allusion par l'organe du canard, et qui paraît fondée sur ce verset de la Genèse. Dieu dit encore, que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent et des oiseaux qui volent. Genèse 1, 20. Le système de Thalès de Milet n'est que le développement de ces doctrines. Attar revient à son thème favori sur la vanité de l'existence, et il cite à ce sujet la réponse d'un dévot à qui on demandait ce qu'étaient les deux mondes. « Le monde présent et le monde futur, répondit-il, ne sont qu'une goutte d'eau dont l'existence est indifférente. » Voyez le livre de la Sagesse, 11, 23. Nous arrivons à la perdrix, cap. Qui s'avance marchant, dit Attar, avec grâce. Son bec est rouge, son plumage aurore. Le sang bouillonne dans ses yeux. Je reste constamment dans les mines, dit-elle, car j'aime les pierreries. L'amour des joyaux est comme un feu dans mon cœur, et suffit à mon bonheur. Quand la vapeur de ce feu s'élève, elle donne la couleur du sang au gravier que j'ai avalé. Le règne des pierreries est éternel, il est aussi solide que la montagne qui les renferme. Je connais la montagne et le joyau qu'on y trouve. Pour le chercher, je ne quitte ni ma ceinture ni mon épée. Attar veut indiquer par la l'éperon ou l'ergot des perdrix, dont la lame offre le brillant du diamant. Je n'ai encore trouvé aucune essence dont la nature soit supérieure aux pierreries, ni rien qui leur soit comparable, et puisque le chemin vers Simorgue est difficile, mon pied reste attaché aux pierres précieuses, comme s'il était enfoncé dans l'argile. La huppe répond à la perdrix que ses objections sont bien faibles, qu'elle s'avilie en préférant la recherche des pierreries à celle de Simorgue. Car, ajoute-t-elle en formulant une hérésie en histoire naturelle, les pierreries ne sont autre chose que des pierres colorées. Sans leur couleur elles seraient simplement de petits cailloux. Puis jouant sur les mots, elle dit que celui qui s'attache à la couleur, rang, n'a pas de poids, pierre, sang, c'est-à-dire est léger, et que celui qui possède l'odeur, c'est-à-dire l'essence des choses, n'en recherche pas la couleur, comme celui qui recherche le vrai joyau des qualités foncières ne se contente pas d'une pierre commune. On sait le pouvoir étonnant que donnait à Salomon, selon les Juifs et les musulmans, le chaton de son anneau. La huppe apprend à la perdrix que cette pierre merveilleuse était néanmoins un obstacle pour Salomon dans la voie spirituelle. À plus forte raison, ajoute-t-elle, les pierreries qui attirent toute l'attention de la perdrix seront un embarras pour elle. Le Humaï, dont il n'a été question ni dans la revue préliminaire Qatar à fête des oiseaux qu'il met en scène, ni dans l'ouvrage de Mukadesi, vient présenter, lui aussi, des objections au voyage proposé par la huppe. Le Humaï est un oiseau fabuleux qu'on peut comparer au phénix des Grecs. Les Persans donnent aussi quelquefois ce nom à l'aigle et à l'oiseau de paradis. Quoi qu'il en soit, l'ombre du Humaï est, selon eux, un présage de bonheur et même de royauté pour celui sur lequel elle tombe. De là, l'adjectif Humaïun, dérivé de Huma, et qui signifie fortuné, royal. Voici au surplus le discours textuel du Humaï. Sachez, ô oiseaux de la terre et de la mer, que je ne suis pas semblable aux autres oiseaux. J'ai une haute ambition, et c'est pour la satisfaire que je me suis séparé des créatures, et que je méprise mon âme concupiscente, ma chienne d'âme. Aussi est-ce à moi que Feridoun et Janshed ont dû leur gloire, et c'est par l'influence de mon ombre que tous les monarques ont régné. Le vil mendiant n'est pas mon homme. Je ne nourris qu'avec des os mon âme concupiscente. Je mets par la ensûreté contre elle mon âme spirituelle, et c'est ainsi que cette dernière acquiert un rang élevé. L'oiseau dont l'ombre crée les rois pourra-t-il détourner sa tête de la gloire? Pourquoi rechercherais-je l'amitié de l'allié Simorgue, puisque je dispose à mon gré des couronnes? Dans sa réponse, la huppe reproche au Humaï de se laisser asservir par l'orgueil. Elle lui dit que son ombre, en donnant des royaumes temporels, fait souvent perdre la royauté spirituelle et conduit les rois à la réprobation éternelle. Comme preuve de cette assertion, elle cite l'exemple de Mamu, ce célèbre et zélé monarque musulman, grand destructeur d'idoles et de pagodes, mais dont le salut n'est pas certain, s'il faut en croire un soufi qui le vit en songe, et à qui il se plaignit qu'il avait à rendre compte de ses moindres actions. Aussi, ajouta-t-il, aurais-je préféré d'être enfermé dans un puits, ou de glaner dans les champs de blé, plutôt que d'être roi. Que les ailes et les plumes du Humaï se dessèchent, puisqu'il m'a donné place sous son ombre. Le faucon nommé Baz, celui, ainsi que je l'ai dit plus haut, qui est dressé pour la chasse, arrive après le Humaï pour présenter aussi ses objections. Il a la tête haute, il fait parade de son équipement militaire et du chaperon qui couvre sa tête. Le discours qu'il tient fait allusion, comme dans Mukadesi, à l'éducation qu'on lui donne et à l'usage qu'on fait de lui. Moi, dit-il, qui veux me reposer sur la main du roi, je dédaigne de regarder les autres créatures du monde. Si je consens à me couvrir la tête d'un chaperon, ce n'est que pour pouvoir appuyer mon pied sur la main du roi. Je suis élevé dans la plus grande contrainte, et je me livre à la mortification comme les pénitents, afin que lorsqu'on m'amène devant le roi, je puisse faire exactement le service qu'il requiert de moi. Pourquoi voudrais-je voir Simorgue, même en songe? Pourquoi m'empresserais-je étourdiment d'aller auprès de lui? Je me contente d'être nourri de la main du roi, sa cour me suffit dans le monde. Pour me rendre agréable au roi, je n'ai qu'à prendre mon vol dans des vallées sans limite. Je n'ai pas d'autre désir que de passer ainsi joyeusement ma vie, tantôt auprès du roi, tantôt allant, d'après son ordre, à la chasse. La huppe reproche au faucon son peu d'attention aux qualités essentielles et son attachement aux choses extérieures. Elle lui dit que si Morgue est le seul roi qui soit digne de lui, puisqu'il est unique dans sa royauté, le roi doit n'avoir pas d'égal, être fidèle et conciliant. Si les rois temporels sont souvent équitables, ils se livrent quelquefois à l'injustice. La situation surtout de ceux qui en approchent est embarrassante, aussi ces derniers sont-ils pleins d'appréhension et toujours en danger de perdre les bonnes grâces du prince. Les rois du monde sont comme le feu, éloigne-toi d'eux, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour toi. N'oublions pas que c'est un oriental qui parle, et qu'il s'agit ici des rois de l'Orient, dont les caprices font le sujet d'une anecdote que citait Tard, et sur laquelle je dois m'arrêter un instant. On sait que tout nous vient de l'Orient, ex-Orient Lux. C'est là entre autres qu'il faut chercher l'origine de nos fabliaux du Moyen Âge, de nos contes, de nos apologues. On a souvent considéré comme une légende fabuleuse l'histoire de la pomme que Guillaume Tell dut frapper d'une flèche sur la tête de son propre fils. Ce qui donne de la probabilité à cette opinion, c'est que la même histoire se trouve dans le Mantique, qui a été écrit dans le XIIe siècle, ainsi que dans les chroniques de la Scandinavie. Voici cette anecdote. Un roi éminent affectionnait un esclave dont la beauté avait attiré son attention. Il lui était tellement attaché, qu'il ne pouvait rester sans s'en occuper. Il lui donnait le premier rang sur ses autres esclaves, il l'avait toujours devant ses yeux. Lorsque le roi s'amusait à tirer des flèches dans son château, cet esclave tressaillait de peur, parce que le roi prenait pour but une pomme qu'il lui mettait sur la tête. Or, lorsque le roi fendait cette pomme, l'esclave était malade de frayeur. Quelqu'un, qui ignorait ce qui se passait, lui demanda un jour pourquoi son visage avait la couleur jaune de l'or, pourquoi cette pâleur, qui annonçait la souffrance. L'esclave répondit, le roi prend pour but de ses flèches une pomme qu'il place sur ma tête. Le roi dit que son esclave favori ne doit pas craindre d'être blessé, car il est le plus habile de son armée au tir de l'arc, et, en effet, la flèche va droit à son but, et tous louent l'adresse du roi. Quant à moi, je suis dans une vive appréhension et dans un trouble cruel, sans que le roi y prenne garde. Le héron, Butimar en persan et Bagla en hindoustani, expose aussi ses objections contre le voyage projeté. Il aime la rivière, auprès de laquelle il demeure silencieusement. S'il en quitte les bords, il meurt. Comment pourrait-il donc aller chercher Simorgue ? La huppe lui répond que le voisinage de la rivière est dangereux à cause des crocodiles qu'on y rencontre. L'eau est d'ailleurs d'une nature changeante. Tantôt elle est calme, tantôt agitée. Aussi combien de personnes qui ont voulu la traverser sur un bateau n'ont-elles pas été submergées ? Et combien de fois celui qui a voulu s'y plonger n'a-t-il pas reparu sans vie à la surface comme un brin d'herbe ? Si tu ne te décides pas à quitter le bord de la rivière, ajoute la huppe, tu finiras par être entraîné dans le courant. La mer, dit-elle encore, s'agite par amour pour Dieu. Tantôt elle roule ses flots, tantôt elle fait entendre du bruit. Puisqu'elle ne peut trouver pour elle-même ce que son cœur désire, tu ne trouveras pas non plus en elle le repos de ton cœur. La huppe termine son allocution par une parabole. On demanda un jour à l'océan, dit-elle, pourquoi il était couvert d'une robe bleue, qui annonçait le deuil. Note. Le bleu est la couleur du vêtement de deuil chez les musulmans. Et pourquoi son eau était agitée comme si le feu la faisait bouillonner? Il répondit que ses vêtements bleus annonçaient la douleur qu'il éprouvait d'être séparé de Dieu, et que c'était le feu de son amour qui le faisait bouillonner. Le hibou n'est pas plus disposé que le héron à partir pour le Caucase. Si le héron affectionne le voisinage des rivières, le hibou ne peut vivre que loin des lieux habités et au milieu des ruines. Il ne s'y tient pas, dit-il, pour boire du vin, comme les mauvais musulmans qui vont s'enivrer, loin des regards, dans des maisons désertes et délabrées, mais conduits par l'amour de l'or et pour chercher en ces lieux les trésors qui y sont cachés, et que ne défend pas un talisman. L'amour de Simorgue lui paraît une illusion, et il traite d'insensé ceux qui le ressentent. Pour cet être mystérieux, il ne veut quitter ni ses décombres ni ses trésors. Note. On sait que les Orientaux croient que les ruines et les monuments anciens, entre autres les pyramides, recèlent des trésors. Ils disent aussi que des talismans défendent souvent l'approche de ces trésors. Telle est la raison de la double allusion d'Attar. Ô toi, lui répond la huppe, qui es ivre de l'amour de l'or, quand tu parviendrais à trouver un trésor, tu mourrais bientôt sur ce trésor, et ta vie se serait ainsi écoulée sans avoir atteint le but élevé qu'on doit se proposer. L'amour de l'or est le propre des mécréants, celui qui fait de l'or une idole est un autre taré. Adorer l'or, c'est être infidèle. Ne serais-tu pas par hasard de la famille de l'Israélite qui fabriqua le veau d'or? Cette critique de l'or sous le point de vue spirituel me rappelle un morceau analogue sur la pièce d'or, par le célèbre écrivain arabe Hariri, morceau qui est une des plus jolies pièces de vers de ses Makamas, et dont voici la traduction. Fille de cette pièce trompeuse, troisième séance, Kailua, qui a deux faces comme le fourbe, et présente à la fois et la couleur brillante des belles étoffes qui parlent la jeune épouse, et celle du visage hâlé de son mari, que l'amour a décoloré. La malheureuse envie de posséder l'or entraîne l'homme à commettre des crimes qui attirent sur sa tête l'indignation de Dieu. Sans l'or, la main du voleur ne serait pas coupée, sans l'or, plus d'oppression, plus d'oppresseur. L'avare ne froncerait pas le sourcil lorsque, durant la nuit, on vient lui demander l'hospitalité, le créancier ne se plaindrait pas des retards de son débiteur. On n'aurait pas à craindre l'envieux, qui attaque avec les flèches acérées de la médisance. J'aperçois d'ailleurs dans l'or un défaut palpable et bien propre à le déprécier, c'est qu'il ne peut être utile dans le besoin qu'en sortant des mains de celui qui le possède. Honneur à l'homme qui le méprise, honneur à celui qui résiste à son charme trompeur. Mais continuons à suivre Attar dans sa narration, il nous reste encore à entendre la bergeronnette, qui est le dernier oiseau dont Attar fait connaître les excuses spéciales contre le voyage projeté, et qui est représenté par l'auteur persan comme faible de complexion et sans énergie morale. La bergeronnette vient donc se plaindre de cette double faiblesse, qu'il assimile, dit-elle, à la fourmi. Elle ne se sent pas la force de se mettre en route, et, d'ailleurs, pourrait-elle parvenir jamais à Simorgue? La huppe reproche à la bergeronnette son inertie et sa légèreté, défaut qui l'empêche de se rendre à son invitation. Elle ne croit pas à son excuse hypocrite. Après la bergeronnette, les autres oiseaux viennent aussi, dans leur ignorance des choses spirituelles, alléguer chacun quelque excuse. Attar juge, avec raison, qu'il serait trop long de les répéter. C'était, nous dit-il, de mauvaises excuses, Mais comment les oiseaux qui avaient osé les apporter pouvaient-ils espérer de tenir jamais si morgue dans leur serre? Eux qui ne pouvaient digérer le grain spirituel, pouvaient-ils devenir les compagnons de jeûne de Simorgue? Eux qui se seraient noyés dans une imperceptible goutte d'eau, pouvaient-ils s'élever du fond de l'abîme au sommet du ciel? Cependant les répugnances des oiseaux diminuent, ils n'éprouvent plus que des craintes, ils ne formulent plus que des appréhensions. Ils ne se plaignent que vaguement de la faiblesse de leur corps, de leurs ailes, de leurs plumes. Enfin, disent-ils, comment pourrons-nous parvenir au sublime Simorgue? Notre arrivée auprès de lui serait un miracle. Dis-nous avec quoi cet être merveilleux a de l'analogie, car, sans tes indications, des aveugles comme nous ne sauraient découvrir ce mystère. S'il y avait quelque rapport entre cet être et nous, nous éprouverions de l'inclination à aller vers lui, mais nous voyons en lui Salomon, et en nous la faible fourmi. Vois ce qu'il est et ce que nous sommes. Comment l'insecte qui est retenu au fond d'un puits pourra-t-il s'élever jusqu'à Simorgue? Le mendiant sera-t-il propre à la royauté? Oiseau dépourvu d'ambition, leur répond la huppe, c'est parce que votre cœur est sans énergie qu'un généreux amour ne peut y surgir. Quand Simorgue découvre sa face aussi brillante que le soleil, il produit par là des milliers d'ombres sur la terre, puis il jette son regard sur ces ombres pures, et alors de nombreux oiseaux se manifestent. Les oiseaux que l'on voit dans le monde ne sont donc tous que l'ombre de Simorgue. Sachez bien cela, ô ignorant, dès que vous le saurez, vous comprendrez exactement le rapport que vous avez avec Simorgue. Admirez ce mystère avec intelligence, mais ne le divulguez pas. Celui qui est animé de ses pensées se perd en Dieu, mais gardons-nous de dire qu'il soit Dieu pour cela. Si vous vous perdez en Dieu, vous ne serez pas Dieu, mais vous serez à jamais submergé en Dieu. Un homme ainsi submergé est-il pour cela une transsubstantiation? Par excès de bonté, ajouta Tarant s'adressant aux novices dans la voie du spiritualisme, Dieu a fait un miroir pour s'y réfléchir. Ce miroir, c'est le cœur humain. Si tu aimes la beauté de ton ami, prends ton cœur et contemple-y sa beauté. Fais de ton âme un miroir pour y voir l'éclat de ton ami. Il est ton roi, il habite le château de la gloire, et ce château est lumineux par le soleil de sa beauté. Admire dans ton propre cœur ton roi, vois son trône dans un atome. Toute apparence qui se manifeste à toi dans le désert du monde, doit être pour toi l'ombre de Simorgue. Mais Simorgue n'est pas distinct de son ombre, soutenir le contraire, ce n'est pas dire la vérité. Tu serais heureux de voir dans cette ombre le soleil, mais si tu te perdais dans cette ombre, comment pourrais-tu obtenir Simorgue lui-même? Au contraire, si tu découvres que l'ombre se perd dans le soleil, tu te convaincras alors que tu n'es autre chose que le soleil. Sauf les répétitions qui sont contraires à notre goût, le passage dont je viens de donner la traduction paraîtra beau sans doute, et donnera, il me semble, une idée favorable de la poésie des soufis. On est assez habitué, je le pense, au langage figuré et mystique de l'auteur, pour que rien dans ce passage ait besoin d'explication ni de commentaire. J'ai assez dit que Simorgue c'est Dieu, et que les oiseaux sont les hommes. L'ombre c'est la nature entière, qui, selon les soufis, émane de Dieu, véritable soleil de l'univers. Désormais les oiseaux, instruits par la huppe, comprennent les mystères sur lesquels ils avaient médité auparavant. Ils reconnaissent leur rapport avec Simorgue, Et bien loin de se montrer encore rebelle à l'idée du voyage que la huppe les engage à faire, ils veulent l'exécuter sans retard, et, à cet effet, ils demandent à la huppe les renseignements dont ils ont besoin. La huppe continue ses fonctions de missionnaire. Pour aimer véritablement, dit-elle, il faut renoncer à la vie. Puisque ton esprit n'est pas d'accord avec ton âme, sacrifie celle-ci, et tu parviendras au but de ton voyage spirituel. Si cette âme t'intercepte le chemin, écarte-la, puis jette ton regard en avant et contemple, et si on te demande de renoncer à la foi ou à la vie, renonce à l'une et à l'autre, laisse ta foi et sacrifie ta vie. L'âme en met le feu à la moisson de sa vie, il enfonce la scie à son cou et se perce le corps. Quiconque a le pied ferme dans l'amour, renonce en même temps à la religion et à l'incrédulité. L'amour t'ouvrira la porte de la pauvreté spirituelle, et la pauvreté, qui n'est autre que l'anéantissement, te montrera le chemin de l'incrédulité. Quand il ne te restera plus ni religion, ni incrédulité, ton corps et ton âme disparaîtront à la fois, et alors tu seras digne d'avoir accès à ces mystères. Ces réflexions produisent un effet favorable sur l'esprit des oiseaux. Ils se décident à renoncer, s'il le faut, à leur vie pour posséder Simorgue. L'amour qu'ils ressentaient déjà pour cet être mystérieux s'accroît prodigieusement, leur départ est décidé, et ils prennent en définitive la huppe pour leur guide. À ce sujet, Attardon, par l'organe des oiseaux, les avis suivants, qu'il est à propos de signaler, on ne doit pas dans la vie spirituelle suivre ses propres idées, il nous faut donc un directeur qui ait sur nous un pouvoir absolu, qui puisse lier et délier, pour me servir de l'expression biblique d'Attar. Ils pensent, en conséquence, qu'ils ont besoin d'un excellent conducteur pour les guider dans le voyage qu'ils vont entreprendre, et se sauver avec eux de la mer profonde qu'ils doivent traverser. Ils se promettent de lui obéir fidèlement, de faire ce qu'il leur dira, bon ou mauvais, pour qu'enfin, lancés dans l'espace mystique comme la boule du jeu de Mel, ils aillent tomber dans le maillet du Caucase, où réside Simorgue. Cependant, pour s'assurer que la huppe est vraiment digne d'être leur guide, les oiseaux, conformément aux préjugés orientaux, veulent en rendre juge le hasard. Ils tirent au sort, et le sort désigne précisément la huppe. Ainsi, plus d'incertitude, la huppe est solennellement reconnue chef des oiseaux, et, comme marque de cette dignité, on lui met la couronne sur la tête. Par cette dernière circonstance, Attar veut faire évidemment allusion à l'ornement naturel que la huppe porte sur la tête. Alors des milliers d'oiseaux accourent pour recevoir les ordres de leur chef et le suivre dans le voyage au Caucase, mais lorsqu'ils s'aperçoivent de loin, dit Attar, la première des sept vallées qu'ils doivent parcourir, leurs cris retentissent jusqu'aux astres. La terreur s'empare de leur âme, un feu dévorant attaque leur cœur, leurs plumes et leurs ailes sont ensanglantées. En voyant ce chemin sans limite, ils pensent qu'ils ne pourront satisfaire le désir qu'ils avaient conçu. Le vent du détachement, du contentement, des choses terrestres soufflait tellement en ce lieu que le ciel en était comme brisé. Dans ce chemin du désert, où le pendu firmament, le soleil, ne se montre pas, comment un faible oiseau pourrait-il rester un seul instant? Aussi ces animaux ailés, dans la crainte que la vue de ce chemin leur fait éprouver, entourent-ils la huppe, et, hors d'eux-mêmes, devenus tous ses disciples, Talib, pour la voie spirituelle, ils lui disent, ô toi qui as été si souvent en présence de Salomon et qui t'es assis sur le tapis royal, Tu connais tous les usages de la cour, tu sais où il y a incertitude, où il y a assurance. Monte sur le minbar, la chair, et instruis-nous au sujet du chemin où nous allons nous engager. Explique-nous aussi les usages et l'étiquette des cours, car nous ne voulons pas nous conduire follement dans cette affaire. Nous concevons tous des appréhensions dans nos cœurs, et il faut pour ce chemin un cœur libre de crainte. Dénoue donc ces difficultés, afin que nous nous mettions volontiers en route. Conformément au désir des oiseaux, la huppe se dispose à écarter le voile de la face du mystère, pour me servir d'une expression empruntée à Attar. La huppe est montée sur un trône, sa couronne sur la tête, et elle est entourée de milliers d'oiseaux. Markendanarchive.org 2021, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.